je lui rends pas comme un cloporte. Il a dégagé tel un Mickey qui pendouille. Il s'est fait têche comme on têche une meuf après avoir sali les cheveux. Bref, trêve de gentillesse. Allons voir nos célébrités schtroumpfs qui reçoivent aujourd'hui le planning de la semaine. Bon, les troufias schtroumpfs, voilà le programme. Vous allez bosser en binôme. Sylvain Michtroumpf, tu seras avec Hélène. Pascal Jean Schtroumpf, tu seras avec Tania Schtroumpf. Et pour finir, Marlène Schtroumpf avec Douchka Schtroumpf. Exécution. Je suis trop contente d'être avec toi, Sylvain Michtroumpf. J'ai plein de trucs à te demander. Comment vous faites, vous, les magiciens, pour couper une femme en deux? Écoute, j'ai pas le droit de te le dire, c'est un secret. Allez, dis-le-moi. Non, pas question. Bon, c'est pas grave, je fais tuer le temps autrement. Hélène, je m'appelle Hélène. Attends, bon d'accord, ok, je te montre comment on fait, hein. Ok, alors voilà. Retrouvons pendant ce temps Pascal Jean Schtroumpf et Talia Schtroumpf. Je suis pas remise de mon week-end, je suis crevée. Ah bon? Mais t'as pas réussi à dormir? Bah non, mais j'ai mal nettoyé les toilettes du commandant et pour me punir, j'ai dû faire des séries de pompes. Ouah, c'est pas grave, tu vas avoir un peu mal au bras pendant quelques jours. Pouf. Mais non! Je viens de te dire que j'ai fait des pompes. C'est surtout au poignet et à la mâchoire que j'ai mal. Ah, pardon. De l'autre côté du camp, Marlène Schtroumpf et Douchka Schtroumpf font un exercice d'orientation. Je comprends rien à la carte. Attends, regarde la boussole. C'est quoi la boussole? Bah, l'appareil que le chef t'a filé avec la carte. Ah, je l'ai jeté. Je pensais que c'était une vieille montre qui avait l'aiguille cassée. Putain, mais t'es trop conne. Pff, on est perdu maintenant. Bon, il reste une solution pour retrouver notre chemin, le soleil. Donc si je ne me trompe pas, le soleil se couche à... Le soir. Il se couche le soir, le soleil. Tiens, pour ta gueule. Voilà, encore une journée qui aura servi à rien. Encore un jour où je me fais chier comme jamais.